To our message, our Sunday message, as time permits us. Amen. Aujourd'hui, on va partir dans notre message du dimanche qu'on avait écouté le dimanche. And as you know, this Wednesday on the Lord always has some few things to eat. Und ihr wisst ja, dass am Mittwoch fügt der Herr immer noch mal was dazu zu dem, was schon sonntags gesagt wurde. Et on sait que mercredi, l'Éternel est toujours en train d'ajouter les messages de ce qu'on avait déjà écouté. And that's why it is good that you listen to it also, please. Deswegen ist es gut, dass wir uns das nochmal anhören. Et c'est pour cela, c'est vraiment important qu'on puisse encore écouter le message encore une fois. Don't just stop by listening to that of Sunday's own alone. Hör nicht einfach nur dabei auf, hör nicht nur die Predigt von Sonntag. Il faut pas seulement écouter le message le dimanche. Listen to Wednesday's message also. Hör die Predigt von Mittwoch auch an. Il faut aussi écouter le message de mercredi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also, please ask questions. Und bitte stellt Fragen. Et c'est aussi important de lui demander de poser des questions. Especially those that are not here with us. Besonders die, die nicht mit uns hier sind. Et surtout pour ceux qui sont pas ici avec nous. Learn to ask questions. Lernt Fragen zu stellen. Apprenez à demander, à poser. Don't allow distance to be a barrier of not asking questions. Lass nicht zu, dass die Distanz oder die Entfernung dafür sorgt, dass man halt nicht Fragen stellt. Ne permettez pas que la distance puisse vous séparer, vous être une barrière pour ne pas poser des questions. You can send your question through different ways. Ihr könnt eure Fragen durch verschiedene Arten und Weisen zu uns schicken. Vous pouvez toujours envoyer des messages vos questions à travers des moyens différents. You can also send to the children, you can also send to me. For the family. Kann Fragen auch den Kindern schicken oder mir oder der Familie einfach. C'est important de poser des questions à travers moi, à travers les enfants. You can ask it through WhatsApp and or just phone me also. Du kannst sie auch durch WhatsApp oder anderweitig einfach fragen oder stellen. Vous pouvez poser vos questions à travers WhatsApp ou bien même appeler. It is very, very important that we understand the kingdom of heaven. Es ist sehr wichtig, dass wir das Königreich des Himmels verstehen. C'est important de comprendre le royaume des cieux. Because if you have a key, you do not know how to use it. You can never, the doors can never be opened unto you. Wenn du einen Schlüssel hast, aber nicht weißt, wie man die Tür öffnet, wird sich die Tür niemals öffnen können. Parce que si tu as une clé et tu ne sais pas comment ouvrir la porte va jamais s'ouvrir pour toi. Amen. Amen. Understanding is very important in the kingdom of heaven. Verständnis ist sehr wichtig im Königreich des Himmels. La compréhension est vraiment très essentielle dans le royaume des cieux. So also, you know, on Sunday we talked about our Thanksgiving Day. You know, since last week we have been on it. And please learn to bless the ministry. Und am Sonntag haben wir auch darüber gesprochen und bitte lernt, in die Gemeinde zu geben. Am Sonntag hatten wir auch unseren Danksagungstag. Dimanche, on avait parlé de l'action de grâce et c'est vraiment important qu'un enfant de Dieu comme vous, là, vous puissiez vous appreniez à bénir la maison de l'Éternel. Amen. Be a giver, more than receiver. Sei ein Geber, mehr als jemand, der nimmt. Tu dois être une personne qui donne plus qu'une personne qui reçoit. The Bible said it is more blessed to receive than to give. Or to give than to receive, sorry. La Bible nous fait voir que c'est vraiment la personne qui est bénie de plus et la personne qui est en train de donner et pas la personne qui reçoit. He said it is more blessed to give than to receive. Donc c'est plus tu es plus béni quand tu donnes au lieu de recevoir. Amen. Amen. And we should learn because once a child of God is giving, it's Christ that is giving through you. Weil wenn ein Kind Gottes gibt, dann ist es Christus Jesus, der durch dich gibt. Parce que si c'est un enfant de Dieu qui donne, ça signifie que c'est le Christ qui est en train de donner à travers la personne. Amen. Amen. We never do anything without Christ Jesus. Parce que nous étant les enfants de Dieu, on ne fait rien sans l'éternel Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And also, we will not continue from where we stop on the other Sunday. That's Sunday before this last Sunday. Wir werden nicht da weitermachen, wo wir vor diesem Sonntag aufgehört haben. On ne va pas continuer là où on avait arrêté le dimanche. Because of the questions some of us ask. Wegen der Frage, die einige von uns gestellt haben. À cause de quelques questions que les enfants ont demandé. And please, we always love to answer questions. Und wir lieben es immer, Fragen zu beantworten. Et nous, on aime vraiment de répondre aux questions posées. And that is we are going to go into the question immediately to answer them. Direkt in diese Fragen eingehen, um die zu beantworten. Et c'est pour cela on va directement répondre aux questions. The questions are actually two. Es gibt zwei Fragen. Il y a deux questions. To have one is about fasting and prayer. Bei der ersten ging es um Fasten und Gebet. Il y a eu une question concernant les jeûnes de prière. You know, I always add the two, fast. I know I hardly say only fasting. Ich sage selten einfach nur Fasten. Moi, je ne sépare presque jamais les jeûnes de prière. Je ne dis pas seulement jeûner. I always say fasting and prayer together. Ich sage immer Fasten und Gebet zusammen. Je dis toujours jeûne de prière. Because the motive of your fasting that always directs your prayer. Weil das Motiv deines Fasten wird auch deine Gebete lenken. Parce que le motif de ta prière, ça va toujours diriger ta prière. If your fasting is of religion, definitely your prayer is of religion. Wenn dein Fasten religiös ist, werden auch deine Gebete religiös sein. Ça va diriger ta jeûne, ton jeûne. Wenn dein Fasten religiös ist, werden auch deine Gebete religiös sein. Donc si ton jeûne est religieux, ça signifie que ta prière sera aussi religieuse. I hope you understand. If your fasting is not of Christ, definitely your prayer is not of Christ. Wenn dein Fasten nicht von Christus ist, wird auch dein Gebet nicht von Christus sein. Si ton jeûne n'est pas du Christ, ça signifie que ta prière aussi sera automatiquement pas du Christ. Are you getting it? You never fast and pray another prayer. Your prayer and your fasting always go together. Your fasting and your prayer, they always work together. Du fastest nicht etwas anderes, als du betest. Dein Fasten und Gebet sind immer im Einklang. Et tu dois toujours comprendre que ton jeûne et ta prière c'est toujours connecté ensemble. C'est pour cela en français on dit aussi jeûne de prière. Ça accompagne toujours ton jeûne accompagne toujours ta prière. Amen. Amen. You know the Lord his purpose never change, but his plan changes. Die Zwecke des Herrn ändern sich nicht, aber die Pläne des Herrn können sich ändern. Le but de l'Éternel ne change jamais, mais ses plans ça change. Amen. Mm-hmm. If you look at everything of the old, you remember Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I hope you get it. And you can see that the Old Testament, there's the New Testament. The Old Covenant, there's the New Covenant. The Old Fasting, there's the New Fasting. The Old Prophecy, there's the New Prophecy. Come you can. There's always the New. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. He is the same. Jesus ist der gleiche gestern, heute und für immer, aber dennoch gibt es ein altes Testament, ein neues Testament, ein altes Bündnis und ein neues Bündnis und eine alte Art und Weise zu fasten, eine neue Art und Weise zu fasten. Dennoch gibt es diese Unterschiede. Jesus Christ, la Bible nous dit que Dieu et Jésus Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais on peut voir que il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a l'ancien jeûne et la nouvelle jeûne. Donc, il y a l'ancienne prière, la nouvelle prière. Donc, on voit qu'il y a beaucoup des changements, mais lui, il est toujours le même. Amen. Amen. So, also, you know, the old honor. Honor the old is honor your parents, honor your natural parents, honor that. But now, it's honor Christ. All the other, but that honor is still there. wie die alte Ehre und die neue Ehre, ne? Das, sagen wir, seine Eltern zu ehren, Christus zu ehren, da gibt es auch einen Unterschied. Et puis, par exemple, quand on dit d'honorer les parents, on voit que il y a, dans l'ancien, on dit qu'on doit honorer les parents, mais dans le nouveau, il dit qu'il faut honorer Jésus-Christ. Donc l'honneur, par exemple, ça aussi, il y a l'ancien honneur et la nouvelle. And number two of the question is about bearing fruit. Und die zweite Frage war Frucht bringen. La deuxième question, il s'agissait de porter des fruits. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we will first of all go through that of fasting and prayer, please. Wir werden erstmal über das Fasten und Beten nochmal sprechen. On va d'abord reprendre la première question qui s'agissait de jeûne de prière. And concerning the message of fasting and prayer, I have a lot of revelation that the Lord gave me concerning it. Und in Bezug auf die Botschaft von Fasten und Gebet hat er mir viel Offenbarung gegeben diesbezüglich. Et concernant les jeûnes de prière, l'Éternel m'a donné beaucoup de révélations. It's like if you are going to one city, but and you have many ways, many roads to take to that city. Sometimes you don't even know the one that is faster or the one that you have to take. And so also a lot of revelation, and if I want to preach it, it will take a lot of time. And that's why sometimes I say this a little bit. The next time I say other things, I say it again. I go further into it. So today we will only go through what we went through, or maybe we cannot even get there today. What we are able to achieve on Sunday. So we will go through it as the Lord also direct us here. Und es ist so wie als ob man zu einer Stadt fährt, ein Ziel hat, aber es gibt mehrere Wege zu diesem Ziel, in diese Stadt. Und genauso auch mit den ganzen Offenbarungen zum Thema Fasten. Es gibt sehr viele. Und manchmal nehmen wir einen Weg und auch den anderen Weg. Und es gibt viele sozusagen Erklärungen, die der Heilige Geist mir zu diesem Thema gegeben hat. Aber dennoch werden wir nochmal auf das eingehen, was wir am Sonntag zu dem Thema gelernt haben. C'est comme si tu étais en train de partir vers une cité et il y a beaucoup de chemins. Et c'est la même manière que l'Éternel nous donne aussi des révélations. Il y a beaucoup de manières pour le comprendre, sa révélation concernant le jeûne de prière. Mais moi, il m'a donné aussi beaucoup de manières pour le comprendre. Mais on va continuer dans le chemin de ce que, comme on avait commencé le dimanche passé. Praise the Lord. Hallelujah. Fasting and prayer, they are, you know, it's a big topic. Fasten und Gebet ist ein großes Thema. Mm-hmm. La jeûne de prière est vraiment un thème vraiment très grand. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The kingdom of faith is not the kingdom of fasting and prayer. Das Königreich des Glaubens ist nicht das Königreich von Fasten und Gebet. Le royaume de la foi, c'est pas le royaume du jeûne de prière. Especially this period. Besonders in dieser Zeit. Et surtout dans notre période aujourd'hui. We are of the kingdom of faith and not the kingdom of fasting and prayer. Wir gehören zum Königreich des Glaubens und nicht zum Königreich von Fasten und Gebet. Nous on appartient au royaume de la foi et pas du royaume de jeûne de prière. Amen. Amen. It is the kingdom of believing the truth. Es ist ein Königreich, in dem wir an die Wahrheit glauben. On appartient au royaume de croire dans la vérité. Believing the truth and obeying the truth. Die Wahrheit glauben und danach handeln. Croire à la vérité et agir selon la vérité. Ihr gehorchen. Only what Christ called the truth. Aber nur das, was Christus Jesus die Wahrheit nennt. Et obéir à seulement ce que Jésus-Christ appelle la vérité. The kingdom of heaven is not the kingdom of believing the word of God. It's the kingdom of believing what Christ called the truth. Das Königreich des Himmels ist nicht das Königreich, in dem wir an das Wort Gottes glauben, das Königreich, in dem wir an das glauben, was Jesus Christus die Wahrheit nennt. Et le royaume des cieux, c'est pas le royaume où tu crois seulement à la parole de Dieu. Non, c'est le royaume où tu crois à ce que l'Éternel Jésus-Christ appelle la vérité. Amen. Amen. Especially this period that we are. Besonders die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Et surtout dans le période où on se trouve maintenant. The period of the Holy Spirit. die Zeit des Heiligen Geistes. Le temps et les périodes du Saint-Esprit. It is not believing. It's not the believing the word of Moses, but the believing the word of Christ Jesus. Es geht schon das Wort von Mose zu glauben, das Wort von Christus Jesus zu glauben. Il ne s'agit pas de croire à la parole de Moïse et ses commandements. Non, il s'agit de croire à la parole de Jésus-Christ. Let's go to John 8, please. Johannes 8. On va lire Jean 8. John 8. Are we there, please? From verse 30. John 8, verse 13. As he spake these words, many believe on him. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Praise the Lord. Hallelujah. We just read from verse 30 to 32. Amen. Amen. Here Jesus was speaking. Okay. Here Jesus was speaking to the Jews that believe on him. Jesus, not unbelievers, but believers. Jesus hat hier zu den Juden gesprochen, die schon an ihn geglaubt haben, Gläubige und nicht Ungläubige. Verset 31, on voit que Jésus s'adressait aux Juifs qui étaient déjà croyants. Amen. Amen. And he said, they shall know the truth. Und er sagt, sie werden die Wahrheit erkennen. Vous connaîtrez la vérité. And the truth they know will be their freedom. Und die Wahrheit, die sie kennen, wird ihre Freiheit sein. Et la vérité vous rendra libre, ça va vous affranchir. There is only one truth. Es gibt nur eine Wahrheit. Et il n'y a qu'une seule vérité. And that truth is Christ Jesus. Amen. Und diese Wahrheit ist Christus Jesus. Et cette vérité, c'est Jésus Christ. There is nothing outside him that is truth. Es gibt nichts, was außerhalb von ihm Wahrheit ist. Amen. Il y a rien en dehors du Christ qui est la vérité. He is the only truth. Er ist die einzige Wahrheit. Il est la seule vérité. In John 14, verse 6, said, I am the way, the truth, and the life. In Johannes sagt, ich bin der Weg, Johannes 14 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jean 14, il nous dit que il nous rappelle qu'il est la vie, le chemin et la vérité. He said he is the truth. Er sagt, er ist die Wahrheit. Il dit qu'il est la vérité. Amen. It means without him there is no truth. Das heißt, ohne ihn gibt es keine Wahrheit. Ça signifie qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. The kingdom of heaven is the kingdom of the truth. Le royaume des cieux, c'est le royaume de la vérité. And not the kingdom of fasting and prayer. Und nicht das Königreich von Fasten und Gebet. Ce n'est pas le royaume de jeûne de prière. No fasting and prayer can free you. Kein Fasten und kein Gebet kann dich befreien. Les jeûnes de prière ne peuvent pas te libérer. Praise the Lord. Alleluia. Jesus never mentioned anything fasting and prayer here. Jesus hat nie von Fasten und Gebet gesprochen. Jésus Christ n'a jamais parlé ici du jeûne de prière. He said, "All we need to know is just the truth." Er sagt, was wir erkennen müssen, ist die Wahrheit. Il nous explique que la seule chose qu'on doit connaître, c'est la vérité. And John 14, verse 6 said, "He is the truth." Und Johannes 14, 6 sagt, er ist die Wahrheit. Et Jean 14, 6 nous fait voir que c'est lui qui est la vérité. If you are John 8 and John 14, you can see that it is knowing Christ. That is the freedom. Johannes 14 verbindest, dann verstehst du, dass es Christus zu erkennen, dass das Freiheit ist. Et si tu ajoutes ou bien tu combines Jean 8 et Jean 14 ensemble, tu vas reconnaître que la vérité, la liberté, c'est de connaître Jésus-Christ. And to know him means you are to be one with him. Und ihn zu kennen bedeutet eins zu sein mit ihm. Connaître Jésus-Christ, ça signifie d'être un avec lui. Remember, I told the Jews, he said, I know my father. Er hat zu den Juden gesagt, ich kenne meinen Vater. Jésus a dit aux Juifs que moi je connais mon père. If I say I don't know him, I will be a liar like you. Er sagt, wenn ich sagen würde, dass ich meinen Vater nicht kenne, wäre ich ein Lügner so wie ihr. Il dit que si je disais que je ne le connais pas, j'allais être un menteur comme vous. And the Bible also tells us that, you know, Jesus said, I am my Father, we are one. Und die Bibel sagt auch, dass Jesus sagt, ich und mein Vater sind eins. Et la Bible nous fait voir aussi que Jésus-Christ dit que moi et mon père nous sommes un. Je suis, oui, nous sommes un. It means to know him means to be one with him. Das heißt, ihn zu kennen bedeutet eins zu sein mit ihm. Ça signifie que connaître, lui connaître, ça signifie aussi être un avec lui. Are you getting it? You must just be hungry of him. Donc tu dois être affamé du Christ. No matter how expensive it is, be hungry of the truth. Egal wie teuer es ist, sei hungrig nach der Wahrheit. Peu importe combien ce que ça va te coûter, tu dois vraiment être affamé de Jésus-Christ. No matter how, you know, how it will take a lot of things from you. Be hungry of it. Wie es viele Dinge von dir wegnehmen wird, sei dennoch hungrig nach der Wahrheit. Donc peu importe ça, combien ça coûte, c'est que ça va, oui, ça va te, tu vas devoir laisser derrière toi, tu dois avoir faim de lui. Praise the Lord. Hallelujah. And in Matthew 13, go to Matthew 13, please. Matthew 13. Praise the Lord. Here it is, you know, he helped us to understand how expensive it is to know the truth, to have the truth. Hier sehen wir, wie teuer es ist, die Wahrheit zu besitzen und zu kennen. To be able to have the truth. Ce verset nous fait voir comment c'est cher d'être capable à connaître la vérité. From verse 44, please. Matthieu 13, 44. It says again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. The which when a man had found, he hid it. He's talking about the truth. Es geht um die Wahrheit, die hier verborgen wird. Ici, il s'agit de la vérité. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Amen. Mm-hmm. Once you find the truth, hide it, keep it. Mm-hmm. Don't allow anything to separate you from him. Verstecke sie, bewahre sie. Lass nicht zu, dass sich irgendetwas von ihr trennt. Et puis il continue, il dit que l'homme qui la trouve doit le cacher. Donc dès que tu as trouvé la vérité, tu dois le cacher. Tu dois vraiment le cacher jalousement. And for joy thereof, go out and sell it all that he had. Abide that feet. He's talking about the truth. Mm-hmm. Es geht um die Wahrheit hier. Mm-hmm. Et donc, ici, il s'agit de la vérité. Il dit que l'homme qui l'a trouvé doit être capable à tout vendre pour le gagner et aussi le faire avec joie. Here he said the truth is going to cost you everything. If somebody gets it. Et ici, ce passage nous fait voir que la vérité va te coûter tout. He said, "You are going to sell everything to have it." Du wirst alles verkaufen, um es zu besitzen. Tu vas tout vendre pour posséder la vérité. It means the truth is very expensive. Parce que la vérité est très chère. Ça signifie que la vérité est vraiment, ça coûte cher. Takes the Holy Spirit to be able to have it. Es braucht den Heiligen Geist, um es zu haben. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour être capable à posséder la vérité. Amen. Amen. And again, in verse 45. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, talking about the truth. Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The truth is so expensive. Donc, verset 45 à 46, il dit que c'est aussi comme une perle où une personne qui la trouve va aussi tout vendre pour posséder la vérité. Donc ici, il parle de la vérité et c'est vraiment cher. Amen. And in verse 47, again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessel, but cast the bad away. You know, you have been going from one church to another before you got here. Bevor du in diese Gemeinde gegangen bist, bist du vielleicht von Gemeinde zu Gemeinde gesprungen. Donc verset 47 à 48 nous fait comprendre que avant que toi tu puisses venir dans cette église ici, tu étais parti des églises à église. You have been hearing a lot of message before you now receive the message called the truth. Du hast viele Botschaften gehört, als du bis du dann die Botschaft der Wahrheit gehört hast. Tu as entendu beaucoup de messages avant de venir finalement dans un message qu'on appelle la vérité. And now you cannot see the difference between the truth and the lies that are everywhere. Unterschied sehen zwischen der Wahrheit und der Lüge, die überall ist. Et maintenant, on est capable de voir la différence entre la vérité de ce qu'on écoute et avec les mensonges qu'on avait entendu auparavant. And now you embrace the truth and kick out the lies. Und jetzt akzeptierst du die Wahrheit und verscheuchst die Lüge. Et maintenant, on embrasse la vérité et on est en train de chasser les mensonges. Praise the Lord. Amen. No fasting and prayer can replace the truth. Kein Fasten und Gebet kann die Wahrheit ersetzen. Aucun jeûne de prière peut remplacer la vérité. Amen. Amen. No fasting and prayer can turn the truth to favor you. Kein Fasten und Gebet kann die Wahrheit so verdrehen, damit sie deinem Fleisch einen Nutzen hat. Aucun jeûne de prière peut tourner la vérité à ta faveur. Are you getting it? Did you know the truth needs you to obey? To obey him. Braucht dich, damit du, obey the truth, that's all you need. Donc la vérité a besoin de ta obéissance. Obey the message. Gehorche der Botschaft. Quand tu obéis au message. Stop rejecting the message and going fasting and prayer. And going into fasting and prayer. Hör auf, die Wahrheit, die Botschaft zu verweigern, aber immer wieder ins Fasten und Gebet reinzugehen. Arrête de rejeter la vérité et de partir dans des jeûnes de prière. Amen. You know what Christ called the truth? Nothing or no man can change. Can change it. Was Christus die Wahrheit nennt, kann kein Mensch ändern. C'est que Jésus-Christ appelle la vérité, il y a aucune personne qui peut le changer. Amen. Amen. No amount of fasting and prayer can change it. Keine Menge von Fasten und Gebet kann das ändern. Donc aucune sorte de jeûne de prière peut changer la vérité. He only needs you to know it and obey it. Es braucht nur dich, um es zu erkennen und der Wahrheit zu gehorchen. Donc tu as seulement besoin de connaître de obéir à la vérité. In 2 Corinthians 13, please. 2 Corinthians 13. Second Corinthians 13, verse 8. 2 Corinthians 13, verse 8. 2 Corinthians 13, verse 8. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Amen. Car nous n'avons de pas, nous non. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Amen. Amen. If you look at Christians today, it's all about fasting. Mais si tu vois les chrétiens aujourd'hui, il s'agit toujours de jeûne de prière. Just like all other religions also. They are fasting. That is their system. As fast as is a stem. Tout comme autres religions, pour eux, leur système, c'est des jeûnes de prière. Amen. Amen. You know, they hope that their fasting can change the truth. Sie hoffen, dass ihr Fasten die Wahrheit verändern kann. Eux, ils espèrent que leur jeûne de prière peut changer la vérité. The Lord never obey your fasting. Aber der Herr gehorcht deinem Fasten. Mais l'Éternel n'obéit jamais ta jeûne de prière. Are you getting it? You obey the truth. And not the Lord obeying your fasting. Und nicht der Herr gehorcht deinem Fasten. Donc c'est à toi d'obéir à la vérité et pas l'Éternel obéir à ton jeûne de prière. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. Your tears, your begging. Begging God, your fasting and prayer can never change what Christ called the truth. Deine Opfergaben können nicht dafür sorgen, dass das geändert wird, was Jesus die Wahrheit nennt. Donc tes larmes, tes sacrifices, tes jeûnes de prière, tes supplications, ça peut jamais changer ce que l'Éternel Jésus-Christ appelle et titulaire la vérité. The Lord said you should obey him. Der Herr sagt, du sollst ihm gehorchen. L'Éternel a dit que tu dois l'obéir. But they want to force the Lord to obey them. Aber sie wollen den Herrn zwingen, ihn zu gehorchen. Mais les gens veulent, les chrétiens veulent forcer l'Éternel à les obéir. Amen. Amen. If you look at Luke 10 from verse 1. Wenn wir uns Lukas 10 von Vers 1 anschauen. Si on voit Luke 10 verset 1. You know, he sent the 70. He did not tell them to fast. Er hat die 70 losgeschickt und hat die nicht befohlen zu fasten. Il a envoyé les 70 personnes et, pour... oui. Amen. Il n'a jamais demandé de faire des jeûnes de prière. If you look at all of them today, the religious people, especially the Christians. Mais si tu regardes aujourd'hui les chrétiens, surtout les chrétiens, tu vas voir qu'ils aiment vraiment faire des jeûnes. They are not different from the Jews then, that today we are after circumcision, after Sabbath. And you can see, see what they pursue, what they seek. Sind hinter als wie die Pharisäer hinter dem der Beschneidung hinter den religiösen Dingen her. Tu peux voir que les chrétiens aujourd'hui ne sont pas différents que des pharisiens qui sont qu'ils étaient toujours derrière la circoncision ou étaient derrière les traditions en fait. Praise the Lord. Hallelujah. You better stop your fasting and prayer. Believe Christ and act on His word. Je vous recommande de stopper, d'arrêter vos jeûnes de prière et de commencer maintenant à croire ou à obéir à la vérité de Jésus-Christ. Amen. Also in Matthew 10, verse 1, it's when He sent the 12. Please go there. On va lire Matthieu 10. And when He had called unto Him His 12 disciples, He gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. There was nothing like go and fast and pray before you do it. In Matthäus 10,1 hat ihnen auch befohlen, Geister auszutreiben, Krankheiten und Gebrechen zu heilen, aber da gab es kein Fasten und betet erstmal, bevor ihr losgeht. On voit ici qu'il a appelé les 12 disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs afin de chasser et guérir toute maladie et toute infirmité. On voit ici qu'il n'a pas, il ne les a pas recommandé de faire des jeûnes de prière. Amen. Amen. The Bible says He equipped them. He gave them power. That's all. Hat ihnen Kraft gegeben. On peut voir, la Bible nous fait voir ici qu'il les a donné le pouvoir. You don't need to fast and pray to have that power. Du brauchst nicht zu fasten und zu beten, um diese Kraft zu haben. Tu n'as pas besoin de faire des jeûnes de prière pour avoir ce pouvoir. Amen. Amen. You know who sent you should be able to empower you. Wer dich geschickt hat, sollte auch in der Lage sein. And not you begging Him to empower you. Dich zu befähigen, denn du musst die Person, die dich geschickt hat, nicht darum anbetteln, dir die Fähigkeit zu geben für diese Mission. La personne qui t'envoie dans une mission, c'est cette personne-là qui doit te donner la puissance, le pouvoir ou bien des armatures pour clôturer cette mission. C'est pas à toi de demander ou de supplier à la personne de te donner les armatures. Amen. You know, here we help you to know that once He sent you, you know you are already here. You should know that He already empowered you. Amen. To do whatever He sent you to do. Wenn er dich geschickt hat, hat er dich schon befähigt dazu, das zu tun, zu wer dich geschickt hat. Donc ça signifie que dès que lui il t'envoie de faire quelque chose, ça signifie aussi qu'il t'a déjà donné le pouvoir de clôturer aussi cette mission. You are going to work for Him. Tu vas suivre une arbeite. Tu vas travailler pour. Once you belong to Him, you never work for yourself. You work for Him. Wenn du zu ihm gehörst, arbeitest du nicht für dich selbst, oder du gehörst nicht dir selbst, du gehörst ihm. Parce que si tu lui appartiens, tu n'appartiens pas à toi-même. Si tu travailles aussi pour lui, tu n'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à lui. It will be wicked of Him if He will not empower you, and you must keep on begging. And fasting and praying so that He can empower you to do the job. Es wäre bösartig von ihm, dass er das von dir verlangt und du ihn dafür anbetteln musst, um die Sache auch durchführen zu können, die Mittel zu haben, das durchzuführen. Donc l'Éternel, il allait être méchant si il t'envoie quelque part à faire quelque chose à une mission et il te donne pas le pouvoir pour ça, il allait être méchant. I hope you get it. You know, whatever He sends you to do, He empower you. Für auch immer er dich geschickt hat, er hat dich da schon befähigt für. Peu importe quelle mission il t'envoie à faire, il t'a déjà donné le pouvoir à clôturer. And that's the system, even Genesis, if you look at it. Und das ist sein System, auch in 1. Mose. Et ça c'est son système, même en Genèse on le voit. After creating, He blessed. Nachdem er erschaffen hat, hat er die Dinge gesegnet. Après avoir créé quelque chose, il a toujours béni la chose. Amen. Amen. After creating, He blessed. Nachdem er erschaffen hat, hat er gesegnet. Après avoir créé, il a béni. He never come empty-handed into our life. Leben. Amen. Il vient jamais main vide dans notre vie. Again here in Matthew 10, he did not tell them to go and fast and pray. Hat er nicht gesagt, and cry and beg and ask. Just like, you know, they do always, you know, the religious people in Matthew 7. What they do today, so I'm coming here. Religiöse Leute, was sie heutzutage tun, was wir auch Matthäus lesen. On peut voir, Matthieu dit, il a donné le pouvoir sans que les disciples puissent le supplier ou bien pleurer ou bien faire des actes bizarres. Praise the Lord. Amen. Go to Matthew 7:7, please. Matthieu 7:7. On va lire Matthieu 7:7. You know they love this very place so much. Ils aiment cette stelle so sehr. Les gens aiment vraiment, ils adorent ce message. Amen. Amen. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. They love this place very well. So bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Religiöse Menschen lieben diesen Vers. Les religieux aiment, ils adorent ce verset. Quand il dit que, ici, vers Matthieu 7:7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouvera. Frappez et l'on vous ouvrira. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in religious world, you are to ask and beg and, you know, seek and, you know, you are to ask. You are to really ask. When in the kingdom of heaven, you don't need to ask. He said, before you even ask, you already know what you need. In der religiösen Welt ist es normal, dass man bettelt und fleht und die ganze Zeit bittet. Aber im Königreich Gottes brauchen wir das nicht. Wir sind Söhne und bevor wir überhaupt bitten, weiß er schon, was wir brauchen und hat das schon versorgt. Dans les églises religieuses, ils aiment vraiment toujours supplier et demander. C'est pour cela qu'ils aiment ce verset. Mais nous, dans le royaume des cieux, on sait déjà que avant même de demander, lui, il connaît déjà nos besoins. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 6, from verse 31. Matthieu 6, vers 31. Matthieu 6, verset 31. He said, therefore, take no thought, saying, what shall we eat or what shall we drink? Or where with all shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Amen. But you seek Him. Amen. Seek Christ. So those things will seek you. Donc, il dit à verset 31 qu'on ne doit pas se soucier. Et verset 32, il dit que car ce sont les gentils, les gens de ce monde qui cherchent, qui sont en train de chercher eux-mêmes. Mais nous, notre Père Céleste sait ce qu'on a besoin. Et c'est pour cela, c'est vraiment évident, verset 33, de chercher le royaume des cieux d'abord. Et toute autre chose, il sera donné dessus. Praise the Lord. Hallelujah. Even this period, you know, just this period that you know we are reading here, this period, the period of the sun. Die Zeit, die wir hier lesen, die Zeit des Sohnes. Dans le temps qu'on est maintenant aujourd'hui, dans le temps qu'on est en train de lire ici, c'était le temps du Fils. He did not tell them you must fast and pray. So that's how you are going to do everything for me. Er hat nicht gesagt, du musst fasten. Because you are not working for yourself, you are working for Him. He sent you. Weil du eben nicht für dich selbst arbeitest, sondern er hat dich geschickt. Donc il n'a pas ici il n'a pas dit que vous êtes en train de travailler pour quelqu'un d'autre, c'est lui parce que c'est lui qui nous a envoyé. Amen. Amen. How much more this time that we are today? Dieser Zeit, wir uns jetzt you know that time it was not even the finished work. The finished work it has not been finished. How much more this time? That is so wrong of what people are doing. They never believe it is finished. Und damals war es schon so, zu der Zeit, wo das fertige Werk noch nicht mal da war, geschweige denn jetzt, wo das fertige Werk schon da ist, und dennoch wollen die Leute das, ob diese Opfergabe, das Fastenbeten nicht loslassen. Et ici en Matthieu 6, verset 31 jusqu'à la fin, comme on vient de lire, il disait même pas de faire des jeûnes de prière. Il disait que on n'a pas besoin de le faire, mais c'était dans le temps du Fils. C'était même pas dans le temps du Saint-Esprit. Et là, déjà, il disait aux gens de ne pas, oui, de ne pas se soucier, de ne pas faire des jeûnes de prière. À plus forte raison, il va nous le dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le temps du Saint-Esprit, même pas dans le temps du Fils. Donc, c'est pour cela, c'est pitoyable que les gens aujourd'hui, dans le temps du Saint-Esprit, sont toujours en train de s'accrocher aux jeûnes de prière. You know, the period, even the period of the father, it was not, you know, if you look at them, or the prophet, they never fast and pray before doing anything. Sie haben nicht gefasst und gebetet, bevor sie etwas getan haben. Donc, dans le période du père, dans l'ancien, on voit que les gens n'ont même pas fait les jeûnes de prière. The Bible says we are greater than them. Et la Bible nous fait voir que nous sommes aujourd'hui plus. It is as if they are greater than us today. Mais nous quelquefois on se comporte comme si eux étaient plus grands que nous. Amen. Amen. Elijah did not fast and pray before having any victory. Élisée, par exemple, il n'a pas fait des jeûnes de prière avant d'obtenir une victoire. Oh, Elijah, let's just quickly look at some areas. Amen. Amen. Go to 1 Kings, please. Oh, Elijah, wir gehen erstmal zur ersten Könige. Let me see. On va le lire ensemble. Go to 2 Kings. Zweite Könige. Deux rois. Second King. Second King 1, verse 9 to 17. First of all, from verse 1 to 9. 2 Rois 1 à 9. Second King 1 from verse 9. Second King 1 from verse. We can also read it. Let's just read from verse 1 so that you can understand it better. Mm-hmm. Then the Moab rebel against Israel after the death of Ahab. And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria and was sick. And he sent messengers and said unto them, go inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, whether I shall recover of this sickness, of this disease. Somebody was having a problem. Avec qui avait un problème. He did not ask the Lord, but he is seeking to ask to ask in another way. Hat nicht den Herrn gefragt, sondern sucht nach einer sucht Rat bei einer anderen Quelle. Donc il n'a pas demandé à l'Éternel de l'aider, mais il a demandé à quelqu'un d'autre de l'aider. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 3, but the angel of the Lord said unto Elijah, the Tishbite, amen, arise, go up to meet the messenger of the king of Samaria, and say unto them, is it not because there is not a God in Israel that you go to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Praise the Lord. Amen. Are you getting something here? Mm-hmm. I hope you understand what is here. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Verse 4. Now therefore, thus said the Lord, thou shalt not come down from the bed, from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. And Elijah departed. Mm-hmm. Verse 5. And when the messenger turned back unto him, he said unto them, where are you now turning? Where are you now turned back? Verse 6. And they said unto him, there came a man up to meet us, and said unto us, go, turn again unto the king that sent you, and say unto him, thus said the Lord, is it not because there is not a God in Israel that thou sendest to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, Therefore, thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. Is somebody understanding here? Sure. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And in verse 7, and he said unto them, what manner of man was he which came up to meet you and told you these words? And they answered him, he was an hairy man and gift and girt with a girdle of leather about his loins. And he said, it is Elijah, the Tishbite. You already know how he dressed. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Then the king sent unto him a captain. From verse 9 now. Amen. Amen. Then the king sent unto him a captain of 50 with his 50. And he went up to him. And behold, he sat on the top of an hill. And he spake unto him, that man of God, the king has said, come down. And Elijah answered and said unto the captain of 50, if I be a man of God, then let fire come down from heaven and consume thee. And the 50, and there came down fire from heaven and consumed them. And his 50. I hope you understand what is coming. Mm-hmm. You know, Elijah like to call fire down all the time. Amen. He always you always fight with fire. Donc on voit ici on lit 2 rois 1 jusqu'à maintenant on a lu jusqu'à 10. On voit que Élie était dans une situation où il faisait il fait descendre le feu du ciel. Please, here is telling us a lot of things. Once anything comes, inquire of the Lord. Let the Holy Spirit be number one. That you speak to before any other thing. Or even any other person. Are you getting it? Communicate with the Holy Spirit. Kommuniziere mit dem Heiligen Geist. Er sollte eine erste Anlaufstelle sein. Ici, on voit cette histoire, les détails de cette histoire nous fait voir que peu importe quelle situation on se trouve, avant de faire quelque chose, avant de consulter même ton pasteur ou bien même tes frères, tes sœurs en Christ, va directement vers le Saint-Esprit d'abord. Amen. Amen. In verse 11, again also he sent unto him another captain of 50, and with his 50. And he answered and said unto him, O man of God, thus hath the king said, come down quickly. Verse 12. And Elijah answered and said unto them, if I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee, and thy 50. And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. Verse 13. Praise the Lord. Hallelujah. And he sent again a captain a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of this 50, your servant, be precious in your sight. Don't kill us. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, here Elijah never fasted and prayed before doing all this. Elijah he knew who he was. Er wusste, wer er ist. To know who you are. Wissen, wer wir sind. On voit ici 2 rois, 1 jusqu'à 14. On voit ici que Élie, lui, il savait qui il était. Même avant de faire descendre le feu du ciel, il n'a même pas fait des jeûnes de prière, il savait qui il était et il a commandé au feu de venir sur en bas. Are you getting it? Amen. Amen. And in verse 15. Okay, verse 14 now, please. 14. Behold, there came fire down from heaven and burnt up the two captains of the former 50s. With their 50s. Therefore, let my life now be precious in your sight. And the angel of the Lord said unto Elijah, go down with him. be not afraid of him. And he arose and went down with him unto the king. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 16. And he said unto him, thus said the Lord, for as much as thou hast sent messengers to inquire of Barzillai, the king, the god of Ekron, is it not because there is no god in Israel to inquire of his word? Therefore, thou shalt not come down from, come down off thy bed on which thou hast gone up, but shalt surely die. So he died according to the word of the Lord, which Elijah has spoken, and Jehoram reigned in his stead in the second year of Jehoram, and the sons of Jehoshaphat, king of Judah, because he had no son. Praise the Lord. Hallelujah. You can see in all this, it's knowing who you are. Geht darum zu wissen, wer du bist. Donc dans cette histoire, on voit qu'il s'agit toujours de connaître ton identité. Elijah knew his relationship. Elijah was so sure of his relationship with the Almighty God. Er war sich seiner Beziehung mit Jesus Christus sicher. Donc Eli était vraiment très sûr de sa relation avec le plus grand Dieu. Be sure of who you are. Sei sicher, wer du bist. Sois sûr de ce que tu Believe es. You are a son. Glaube, dass du ein Sohn bist. Crois que tu es un fils. The Bible says you are greater than even this Elijah. Die Bibel sagt, du bist größer als dieser Elijah. So La Bible nous fait voir que tu es même plus grand que Eli. You must believe it. It is a must. C'est un must. Mais tu dois vraiment le croire. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And also in 1 Kings 17. Et même dans 2 Rois 17. You know, if you also go there, the 1 Kings 17. Let's go there, please. 1 Rois, pardon, 17. 1 Rois 17, verset 17. 1 Kings 17. The same Elijah, the Tishbite. Yes. From verse 1. If you read it, we have been here several times. Elijah the Tishbite, who was the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this year, but according to my word. Praise the Lord. And the word of the Lord came down. And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide yourself by the brook Cherith, that is before Jordan. You can see, if you read here, you can see there is nothing like fasting. Comme lorsqu'il dit, Alice, dans l'histoire, il dit que je me faste. Ici, on voit comment Élie était en train de commander les histoires, il était en train de parler selon sa, donc selon l'Éternel faisait les histoires aussi en accord avec sa parole. Donc tu vois qu'ici, il n'a même pas fait les jeûnes de prière. The Lord did not say to Elijah, go and fast and pray before I feed you. Before I send raven to feed you. It is his responsibility to feed you, to be there for you. Der Herr hat nicht zu Elijah gesagt, geh erstmal fasten und beten, bevor ich für dich sorgen kann, bevor ich dich ernähren kann. Sondern es steht in seiner Verantwortung, für dich zu sorgen, weil du sein Kind bist. L'Éternel n'a pas dit à Élie de partir faire les jeûnes de prière avant qu'il puisse envoyer des corbeaux pour lui nourrir. Non, il n'a pas fait ça parce qu'il savait que c'est sa responsabilité de prendre soin de Élie.